Les Noces Noires de Guernaham. Écrit par Anatole Le Braz, lu par Armen pour audiocité.net. On appelle Noces Noires, en certains cantons de la montagne bretonne, les secondes noces d'une veuve ou d'un veuf, sans doute parce qu'il en est qui conserve le deuil pour se remarier. Chapitre 1er. Le pardon finissait. L'ombre hâtive des nuits d'octobre était descendue sur la petite bourgade bretonne, dénouant les danses, dispersant les couples le long des routes crépusculaires, à travers le silence des campagnes endormies. Emmanuel Prigent, dont le cœur n'avait pas encore parlé et qui n'avait pas de douce à ramener chez elle, demeura un instant sur la place à regarder l'homme aux chansons rassembler ses feuilles volantes. Puis, après une courte discussion avec lui-même, il s'achemina vers l'auberge. Il se sentait triste, la solitude sans doute, peut-être aussi une raison plus intime, certains malaises d'âme qui, depuis quelque temps, assombrissait sa pensée, ne lui permettait plus de jouir de la vie béatement comme par le passé. En vain s'était-il efforcé de réagir contre ce singulier état d'esprit dont sa cervelle obscure de paysan ne parvenait même pas à débrouiller les causes. Qu'est-ce donc qui avait pu altérer ainsi en lui, peu à peu, la belle source de joie de ses 25 ans? Il s'était rendu au pardon de Saint-Sauveur avec l'espoir d'y rencontrer une somnambule, une voyante assez lucide pour l'éclairer sur son cas. Connaître sa peine, comme dit le proverbe, c'est déjà la moitié de la guérison. La vieille Sibylle, qu'il était allé consulter dans son chariot là-bas, derrière la fontaine, n'avait su que lui débiter des niaiseries, des fariboles, les mêmes exactement qu'elle avait comptées à 20 autres, comme de lui assurer, par exemple, qu'il se languissait d'amour et que, seule, une brune aurait la vertu de dissiper son mal. Amoureux, lui! Ah bien, elle pouvait se flatter de lire dans les cœurs la somnambule. Jamais encore il n'avait regardé une femme autrement que pour le plaisir du temps qu'il était soldat. C'était si vrai qu'à Guernaham, où de domestique principal il était passé chef de labour depuis la mort du maître, les servantes, blessées de ce qu'il ne faisait aucune attention à leurs agaceries, l'avaient surnommé Prigent le dédaigneux. Non qu'il professât pour le sexe le dédain qu'on lui attribuait, il n'avait pas les idées tournées de ce côté, voilà tout. Il avait bien assez à s'occuper, par ailleurs. Un domaine d'environ 30 journaux de terres arables à tenir en état, un personnel volontiers indocile, sinon récalcitrant, à manier et à conduire, tout cela dans une maison où il n'était lui-même qu'un subalterne et sous la direction d'une jeune veuve sans expérience, à peine émancipée du couvent par quelques mois d'un mariage qui n'avait été pour elle qu'une agonie, qu'une passion, et dont elle n'avait pas fini de se remettre. Pauvre René-Anne, si frêle, si menuée, comme on dit à la campagne, si demoiselle, comment son père, le vieux Guillaumard, avait-il pu la laisser épouser ce Constant d'Agorne, cette brute